comme Dior Loro Piana. Dans Cathy, ça sent la bulle dans le Viano. J'ai dû poser ma peine sur le piano. S'il y a chose que j'ai, quelques têtes sur Panam. Rejoins la nourrice dans le temtem. Après de bons bonnets, la tour qui est comme Denden. Ma baby n'aime pas les caméras, donc je les ai tentés dans les carrières. Quand ils auront brûlé le royaume, je mettrai la couronne sur le poignet. Dans la merde, j'irai pas témoigner. Avec le temps, je les ai vus s'éloigner. Elle a le Chanel et le Vanity Chain. Deux, trois lignes sur le Vanity Fair. Je suis à Cali dans le fer ou sur la croisette à Cannes. Sur un coup de tête, je prends le jet et je débarque à la cale. Elle veut pas qu'on y aille sous lit, lit, lit. J'ai du cash sous lit. Vu comment je suis frais, elle croit que j'ai des dollars, dollars. J'aime pas les caméras, donc ferme les volets, volets. Pour augmenter la scalape, j'ai dû recompter la scalape. J'aime quand elle twerk sur moi ce soir. Elle est dans les tom-tom sur moi. Minimum Dior Loro Piana. Dans Cathy, ça sent la bulle dans le Viano. J'ai dû poser ma peine sur le piano. S'il y a chose que j'ai, quelques têtes sur Panam. Rejoins la nourrice dans le tom-tom. Après de bons bonnets, la twerk est comme Denden. Ma baby n'aime pas les caméras, donc je les ai tentés dans le carrière. Validé sans gaz, t'en bide. Elle m'a dit tu vas percer si tu restes en vie. Remettre les gants, des fois j'en meurs d'envie. Au Yankli, j'en vends, au feu que j'en veux. C'est fouini et proto, donc reste tranquille. J't'ai vu dans le club avec une vieille tantine. J'ai fait assez de cash, donc ça ira. Dans le fer, j'arrive en carrière. Minimum Dior Loro Piana. Dans Cathy, ça sent la bulle dans le Viano. J'ai dû poser ma peine sur le piano. S'il y a chose que j'ai, quelques têtes sur Panam. Rejoins la nourrice dans le temtem. Après de bons bonnets, la twerk est comme Denden. Ma baby n'aime pas les caméras, donc je les ai tentés dans le carrière.